J'aime les gens qui prennent Dieu au mot. Exactement comme j'ai dit là, les effets ont commencé. Ça commence. Ça commence à l'immédiat. Pour attirer ton âme. De l'écartement où tu étais. Même si tu étais à 3000 km. Mais le même Seigneur là, qui avait parlé devant le tombe de Lazare. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelle que soit votre condition, votre état intérieur. Mais le Kala, ce qui moine à Kangolio, vous causez la seule paix à la bonne chose. Et Zalami, ou Zalaki Kala. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Toi qui te reconnais injuste, sans toi concerné ici. Nous sommes donc parmi vous se reconnaît injuste. Quiconque se reconnaît juste, tu es concerné ici. Voici la parole du Seigneur. Ceci est l'évangile de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour la délivrance de celui qui croit. Si croire aujourd'hui, les effets commencent aujourd'hui. Si vous voulez que vous dans deux semaines, alors vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ah, mais c'est ton choix. Hein? Mais ne fais pas un mauvais choix comme ça. Je ne serai pas gentil envers toi-même. Pour tous les injustes. Tous les injustes. Christ est mort, il a souffert. Pour les amener à Dieu. Les injustes qui sont disposés à prendre Dieu au mot. Moi, je ne suis pas né parfait. Je suis un animé, pas un ange. Je suis un homme sur terre. Mais j'ai entendu le message de grâce. J'y ai cru par sa grâce. Et j'y persévère par sa grâce. La parole a la puissance transformation. Elle a la vie en elle-même. Il fait que plus la parole nous pénètre, elle influence sur nos comportements. Elle laisse tomber les défauts. Elle laisse tomber chaque défaut. Tous les défauts partiront. Toutes les faiblesses disparaîtront, je vous dis. Il n'y a pas raison de désespérer. La parole a la puissance. Amen. Moi j'ai confiance. Et si bien en les avoir. Afin de nous amener à Dieu. Hein? Il a été mis à mort quant à la chair et il a été remis vivant quant à l'esprit. Qui était mort? Dieu est devenu homme. Qui était immortel? Dieu esprit. Il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Qui était mort? Pas Dieu esprit. Mais Dieu est devenu homme. Et qui est demeuré immortel? Dieu esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est dit? Moi aussi bien vous. Ils ont salé au sein de mon thème. Amen. Zambé, Zambé, Moko, hein? Bazala Kebele, c'est Kaka Moko. Amen. Yé Zambé, ou Anamo Limo, Ami Komisa Kimout. Et comme Anamo Maliwa, Yé Zambé, Nabomotonaye Akouki. Mais Nabomolimo Naye, Ayingeli Kaka Immortel. Amen. Au même moment. Amen. Je vous dis au même moment. Amen. Je vous dis au même moment. Amen. Naye eloko ya pasi ezalakate. Dieu peut tout. Zambe akoki na nyoso. Mise à la mort quant à la chair. Rendu vivant quant à l'esprit. La même personne. De qui est-il question là? De Christ, non? De Christ. Que Christ, il est Dieu béni éternellement. C'est lui qui s'appelle Christ, là, dans 1 Pierre 3, verset 18. Il est Dieu béni éternellement. On peut lire ça dans Romains 9, au verset 5. Oh, comme c'est parfait, les choses de Dieu. Il est écrit ceci. Bon, pour prendre la pensée correctement, on doit prendre le verset 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ, le même Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair. Na linga kete na la kela mama pe ete na tangolongwa na Kristo pona bandeko na ngai ba oyo bazalinde libota moko na ngai na nzela na nzoto. Descend israélite à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen, amen. Et puis, amen. Amen. Bazali, ba Israeli, lokomu na bana ezali na bango. Mpe kembo, mpe konyimana, ndenge na ndenge mpe, likabo na mipeko mpe, bisambe mpe bilaka, mpe bankoko. Kristo abimi kati na bango na nzela na nzoto. Yoyo azali nzambe likolo na nyonso. Azala na lokumu, azali pe na lokumu, libela na libele. Amen. Est-ce que vous voyez encore le mystère ici? Comment est-ce que vous voyez? Dieu qu'on ne peut pas maudire sans se tirer vivant. Nzambe. Le même Dieu qui est béni éternellement. Mais le même Dieu s'est maudit à la croix par sa propre parole qui disait « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Na bongo nzambe oyo tala na libombe miao. Nzambe oyo okoki kolakela mabete oyo tikala na bongo. Kasi bobele ye moko nzambe yango na yekulusu amilakeli ye moko mabe na nzela na liloba na ye oyo alobi ete oyo abakisami na yekulusu alakela mo mabe yende mutu alobi bongo na liloba na ye. Mais au moment même où il était maudit là au calvaire, na tango ngo moko moko alakala en tant qu'esprit il était béni éternellement. Mokola moli moya apambolami libela na libela, béni d'une bénédiction sans fin. Apambolami na lipambola ya zanga nzela, d'une bénédiction irrévocable. Lipambola ya mutu akoki kosambi sa kuwa, personne ne peut changer en malédiction. Oyo mutu atika obongola te le même Christ. Il est au-dessus de tout. Il s'est abaissé face à ses créatures. Là au calvaire. En acceptant que les créatures cachent son visage. Mais pourtant, c'est lui qui est descendu du ciel et au-dessus de tous. Et lui, Christ, il est au-dessus de toutes choses. Pendant qu'il est au-dessus de tout, il s'est abaissé face à tous. Tout en demeurant béni éternellement. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose ici? Qui te rassure que rien n'est impossible à Dieu. Un meilleur metteur en scène. Hein? Le meilleur cinéaste que je connaisse. C'est Dieu lui-même. Ce type ici, Paul qui, je sais pas quoi, qui a fait tourner le film de Jésus de Nazareth. C'est qui? Comment? Robert Paul, quelque chose comme ça. Jésus de Nazareth, là. L'acteur principal qui s'est fait les cheveux. C'est un fumeur de cigarettes, vous savez. Azali Moumeli, Milinga, Venda la Milinga. Mais il a tourné le film appelé Jésus de Nazareth. Azali Milingi Moko, il est bien habillé sur le film. Pour se faire de l'argent. Maintenant, plusieurs églises, ils prennent ces photos, ils mettent dans leur maison, ils appellent sa photo de Jésus. Aujourd'hui là il a vieilli hein? Mais il est entré, il est maintenant tourmenté parce que les appels et il entend, il apprend toujours, les gens utilisent ces photos, il s'agenouille même devant ces photos là comme étant Jésus. Il répète aux gens, je ne suis pas Jésus, enlevez mes photos de vos maisons. Voyez frère, là où les cinémas des hommes peuvent nous amener à des gros mensonges et des chrétiens pendant des années s'agenouillent devant les photos d'un fumeur de cigarettes. Dans ce film, elle a appelé Jésus de Nazareth. Qui l'a déjà visualisé ce film-là? Oh, je parle des gens qui n'ont. Ah, ok. Il y en a quand même. Bazali. Ah, vous vous rappelez, pas la passion de Christ, mais Jésus de Nazareth. C'était sorti avant le film La Passion de Christ. Lorsque je prêchais sur la croix de Christ, à Sévignon 45, il y a un frère qui m'a suivi, qui a posé une question. Il dit, que pensez-vous de ce film-là, La Passion de Christ? Il m'en avait même développé la cassette. Alors, film et puis l'autre film là, Jésus de Nazareth. L'histoire là de Jésus de Nazareth, c'est trop superficiel. Et quand vous suivez ça, vous n'aurez pas la réalité de ce que Jésus a souffert. Et c'est une grande mascarade. Je lui dis, le film Passion de Christ ne reflète pas exactement ce que Jésus a souffert. Mais il est un peu plus proche de ce que moi j'ai vu de mon Christ à sa croix. Il s'est révélé à moi pour naître de nouveau. Amen. Amen. Naïna qui colbette film ou le bengi passe à Christ ou et zali pembeni na bosolo na oyo ngai pe na monaki na tango Christ zali ko bimoni sakai panangai po na motaba na ngai sika. Son frère m'a dit, bien aimé pasteur, moi je ne saurais pas regarder ce film. Je n'ai pas pu terminer ce film là. Je ne peux pas regarder ça une deuxième fois. Ne dites pas ce que vous dites là. J'ai dit, mais c'est ce qui doit être dit. Ne croyez pas, toi, mon bâtiment, le colombo bongo, c'est n'aïe, n'a qu'au cas qui t'es à la fille, moi, n'a pas la n'a qu'au cas qui t'es à côté de sa taille en haut. Sauf que beaucoup d'entre vous continuez à vous amuser avec le péché et les souillures du monde. Amen. C'est parce que Christ crucifié ne s'est pas encore révélé à vous. Amen, amen, amen. C'est un grand problème, je vous dis. Amen, amen. Mingi katina bino vous allez consacrer un peu pour combattre la consacrer à ma somme. Non seulement vous allez être prêt à Christ, on est là parce qu'il s'agit d'un Christ. Animalisé n'a nul tel panayo. Quel effort frère David avez-vous fait pour que Christ se révèle à vous? Aucun. Ma casinini. Amen. Amen. Ma casinini ne peut pas vous dire ça là qui prête à Christ, mais moi ne sais pas naïe. Et là comme côté. Alléluia. Alléluia. Quel pompage avez-tu fait? Aucun. C'est la grâce de Dieu. Je ne devais ni tirer ni pomper. Mais c'est lui qui dans sa grâce s'est révélé et cela a déclenché le changement. Le salut de Dieu n'est pas un forcing humain. Le salut de Dieu est une délivrance par grâce. Crois-tu à la grâce de Dieu? Abraham, quand il prêche le message de grâce, il dit son message est aujourd'hui bafoué et piétiné par ceux-là même qui devaient le vanter, les gens d'église. Nous sommes en train d'entraîner les nôtres, nos fidèles, les membres de nos églises à un forcing, à des pompages. Et au final, ils se vendent, ils se glorifient d'être spirituel parce qu'ils ont pu faire 85 pompages plus que l'autre de l'autre église là-bas. C'est une vanité. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Au moyen de la foi que Dieu seul donne. Même pour toi, c'est Dieu qui donne la foi. Tu n'as aucun effort, aucun pompage à fournir, c'est lui Christ qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alors, cherche à le connaître personnellement. Restez avec lui personnellement. Invoquez son nom. Pas multiplier les pompages et multiplier les paroles. Invoquez son nom. C'est ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas? Maintenant, voyez le grand cri. Nous revenons à Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici. Allez-y. Mais Yesu, anganga kiri susu na mungongo makasimpe atiki kopema. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà ces captifs de la mort. Les captifs de l'au-delà que Jésus venait de libérer de la tombe. Et ce sont ceux-là qui l'a amené. Quand il est monté, il a amené les captifs, comme on le disait. Les voilà sortir sous le puissant cri du Messie. Aucun d'eux n'a dû fournir un quelconque pompage. Même pas cinq exercices. Mais ils ont entendu le cri. Alors que leur corps était mort. La chair complètement pourrie, inexistante. Les os broyés, inexistants. Mais quand ce cri a fendu l'espace, a secoué la terre. Et la terre a connu ses convulsions. Prête à être tétanisé. Prête à exploser les mains. Alors les morts ne pouvaient pas. C'est bloqué là-bas. La captivité a libéré les captifs. Parce que le Seigneur a poussé le cri. Frère, c'est une délivrance. Ce n'était pas la gymnastique, ni de pourparler, ce n'est pas de la politique, ça c'est la puissance de la parole. La parole de vie en action, c'est la même parole que Dieu te fait entendre maintenant, pour changer ta vie, pour te ressusciter d'entre les morts, le mort du péché, le mort des chutes, Le monde, de rancune, de méchanceté, d'hypocrisie, de tromperie, tout cela c'est la mort. Nous sommes à ouvrir la parole de personne tirée de là. Que rien ne te retienne. Par la foi qu'il soit libéré. Dieu te livre par la foi dans sa parole. Voyez, la Bible dit que le sépulcre s'ouvrira. Et quand Jésus va revenir et que les morts en Christ soient ressuscités, les sépulcres s'ouvriront également, comme il s'est ouvert ici. Êtes-vous là? Que les sépulcres vont s'ouvrir. Et ça se passera comment? Dans les sermons, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le 17 mars 1963. Le matin. Le paragraphe 379. Et puis quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, que les sépulcres sont des tombes, ils disent que les tombes vont s'ouvrir. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir, même moi aussi maintenant, comme j'aurais voulu. Mais il faut que j'en parle. Vous voyez, on en parle, même sans approfondir, on en parle. Juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse et tout ce qu'il y a en vous, comme matériau, ça ne donne qu'une cuillère. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Il n'y a pas de pompage programmé pour participer à l'enlèvement, pour quitter ta tombe. Il n'y a pas de pompage programmé. Dans le destin de Dieu, aucun pompage prévu. Dans le destin de Dieu, c'est la parole qui est prévue. Dieu n'aura qu'à parler. C'est pour le serviteur, la fille de Jairus. Comment sa fille ressuscite-t-elle? Jésus n'a eu qu'à parler. Yes, alors pas de lobby. Pas de gymnastique. La parole. Il a parlé. Le fils unique de cette veuve-là, qu'on a mené à la tombe. Mwana moko ya mukufeli mobali wana oyo bachaki na sanduku ba kokendaka na ye na lilita. On a fini la première partie du deuil. Une veuve, papa ta kufa, mama tika la veuve, mais moi na pe mwakazaka mon fils unique a kufi bili. Quelle désolation. Pas chez le ngani wana. Il s'amenait maintenant pour aller, elle pleurait là-bas inconsolable et tout. Ba zari kolela wana. Jésus vient, s'approche du cercueil, Pierre. Bon, ils ont compris, on a descendu le cercueil. Il a évacué les gens. Talita Tumi. Petite fille, je te l'ai dit, lève-toi. Bon, il s'est levé. Est-ce qu'il y avait des gymnastiques? Il y avait trois veillées. Et un jeune de 40 jours. Parole. Maloba. Parole. Maloba. Donnez à la parole sa valeur, vous verrez ses effets. Amen. Personne ne le connaît. Au moins, nous m'avons dit. Tous ces cas de résurrection, il n'y avait pas de gymnastique. Le Seigneur n'a fait que parler. Oh, on n'a pas le temps d'approfondir tout ça. Hein? Laisse-moi aussi en parler en passant. Dieu n'a qu'à parler. Et l'enlèvement va se faire. Même l'enlèvement sera entendu ici. Il n'y aura pas de pompage programmé. Il parlera dans vous. Le même qui avait crié à Golgotha. Il parlera. Comme il avait crié là-bas dans Apocalypse 4, verset 1 que nous avons lu ici. Mais on y reviendra à une autre occasion. Parce que Dieu a conduit les choses autrement aujourd'hui. Oh, je n'ai même pas entamé une partie de ça. Donc, il m'a laissé dans une situation. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Écoutez, il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. Donc, vous voyez les gens de pompage, avec leur père, les anges viendraient, ils sont au service de Dieu, envoyés pour la résurrection. Dieu veut ressusciter les morts, alors il déploie là, et ils vont sillonner les cimetières pour chercher où est la tombe de David. Ah, c'est ici que Dieu a vécu. Et l'autre, qui devait encore ressusciter l'autre là-bas. Ok, allez, commençons à graisser. Pompez. Allez, tirez. Allons, encore. Allez, allez. Chassez la tête. Après, hey, l'os est ici. Comme ça qu'ici. Ah, le côté. Le chefon, le côté de la tête. Vous allez trouver la tête. Voyons comme côté des pieds. Et qu'on sorte les vieux squelettes, les vieux cadavres comme ça. Et qu'on dise maintenant, nous les anges, nous avons fait le travail. Ils sont venus nous confier. Nous les présentons à Dieu. Zambé, Yosko, Lobisoni. Il n'y a pas de pompage prévu. Les morts ressusciteront à sa voix. Si tu comprends ça, alors rends-toi exécutable face à la parole. Amen. Si tu es habitué à résister à la voix de Dieu maintenant, quand la voix de Dieu retentira ce jour-là, comme ton habitude, tu vas encore résister. Parce qu'on met ça depuis la terre à résister à la parole, à s'opposer à la vérité. Nous devons changer. Déjà maintenant, et nous rendre exécutables. Même un clignement des yeux du Seigneur doit devenir un ordre pour nous. Vous voyez quand une femme est tellement soumise à son mari, oh, l'homme peut être assis là seulement. Il bouge un peu la tête. C'est qu'elle est disposée à obéir aux ordres. Mais les filles de Jérusalem, ils ont les regards effrontés. L'homme s'amène avec sa mallette tout fatigué du travail. Vous voyez? Et s'il fait bon, oui, s'il si, si. Il peut rentrer là-bas, il se débrouille même. Les enfants ont pris des histoires ici au salon, ils ont déposé ici, ils ont renversé là-bas des histoires. L'homme ne sait même pas où s'asseoir pour ne plus que reposer la tête 5 minutes. Bana, ma baby, sindako, ma tchèche, bilo, quoi, ma kite, baluki, baluki, boy. Mon bel est allé pour le signal, il y a 20 d'attaque. Ah, ou t'y n'a qu'il qui y a ma stress dans mon salon. Aïe, coco, t'y n'a qu'il qui y a ma stress dans mon salon. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Des fois ce sont les stress. Mais frère Branham a dit, une femme authentique, une gentille petite femme. Donc, Branham a dit, moi si pensez à qui bon moi qu'est-ce qui peut consoler l'homme quand il rentre épuisé du travail. N'ayez pas que vous vous dites à mon bali ceux qui allaient bien au tout musala n'ama. Parce qu'il a dit. Ça c'est notre message, hein? Ouais, on descend. Au canicule n'ama bêté. Ajoutez un message. Voilà ça. Son côté est un message. Amen. Bah indifférence, non, ma caraba qui n'a pas à ouate. Ozaga qui n'a pas à ouate. Awa n'a pas à ouate. Cette fille de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je n'ai pas à ouate. Elle récupère d'abord son sac. Awa n'a pas à ouate. Hein? Oui. Vous les serez mariés. Bino ban basi. Vous faites ça? Vous allez vous allez la gamme. Ok, n'a pas à ouate. Vous voyez, il y a des histoires qui sont comme des croyances. Et nous en faisons des tabous. Mais ça n'y est pas dans la parole. Et ça n'y est pas dans la parole. Mais ça n'y est pas dans la parole. Mais ça n'y est pas dans la Nasukahanye, minimum par sacrifice et tout. Ça y est où dans la parole de Dieu? Ils allaient appeler le bon ensemble. Mais écoutez, bah tu dans un état là, de psychose, oh non, bah où qu'il existe, bah ça va sacrifice et tout. C'est écrit dans quelle parole tout ça? Comment qui s'abattouait? T'as un musulmanboula, macambou. Il faut nous veiller chaque semaine parce que vous voyez, on ne sait jamais la fin de l'année, vous savez la fin de l'année. Les occultistes, vous direz ça de quel verset biblique? Vous allez poser un mot de mouron dans la Bible. Les occultistes, c'est la fin de l'année. C'est écrit où? Et c'est comme moi. Vous allez vous demander faire du bruit et faire des pompages dans des veillées. C'est bien, mais c'est écrit où? C'est quelle parole que vous appliquez? Après, si viendra dire ou non, Dieu a dit prier sans cesse. Comment? Kozanga barigiman. Ok, si vous voyez, mais là, la verset, vous voyez, ou non, Dieu a dit prier sans cesse. Mais qu'il faut prier sans cesse? Personne de même, tous les mois. En janvier, faisons le même programme. Février, même chose. Avril, pas de différence. Mais quand on est motivé par des idées préconçues, qui sillonnent ça et là, qui n'ont pas de place dans la parole de Dieu. Ça va vous vous laissez envoûter par des démons. Et vous êtes connu par des esprits étrangers. Laissez que l'esprit de vérité vous conduise. Et la vérité, la voici, c'est la parole de Dieu. Notre message est une révolution. Dans ma vie charnelle, je me mettrai à faire certaines choses pour me plaire à moi-même, pour me satisfaire moi-même, pensant plaire à Dieu. Mais toi, tu n'es pas Dieu. Tu peux te plaire à toi-même, tu trouves plaisir, mais Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu, là où il t'attend, c'est dans ce qu'il a écrit. Amen. Na kuki masala makamususu poete na sepeli sabo mo ina ngai anzoto zokande na misepeli singai moko zokande osepeli singambe te poete nzambe poete sepeli saye jongela na oya kumi. Voulez-vous rentrer dans la parole? Bonigata basa kana liloba. Si vous demeurez à moi. Chongo moko mela katina ngai. Mes paroles demeurent. Demandez tout ce que vous voudrez. Chongo basa kanyo sobo. Cela vous sera accordé. Non mais non pas des systèmes contaminés à Dieu. Purifions-nous chaque jour. Nous sommes environnés par un monde qui nous influence. Et qui nous transfère des esprits étrangers. Pour amener à des attitudes et des comportements et des croyances. Ils ne sont pas de la parole. Christ vous libère par sa vérité. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur paix pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Et allez dire que moi, cet évangile va quitter Nabapau, Nabango, et va quitter Namaïta, va quitter Nabango, et va quitter Nabango. Vous voyez ça? Yes. Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça en sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez? un nouveau corps. C'est ce que la résurrection produira. Ce sera un nouveau corps semblable à celui que vous aviez. Donc pas besoin d'aller faire la fouille des cimetières pour faire comme les médecins, les gistes, l'exhumation de corps. Pour comme les gens ne s'attendent pas, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils étaient morts. La médecine légale ordonne qu'on aille même dans les cimetières, on va faire l'exhumation de corps. Bon le corps enterré, qu'on les va sortir. Le corps là-bas, tu n'as limite, n'as libota, mais tu calas qui va aller au pendana pour n'avoir le mukufi. Bah évitez pour n'en avoir pas. Bah minganga oyo ya kagenda olande la kapo baye pour n'en avoir pas. Kwa ne va pas kenda kapo pesa nzela kino na maite. On fera les prélèvements sur le corps du cadavre. Pour faire les examens laboratoires. Bah quand j'habille mon nzoto ya ibembe pote bah kenda ko talayango na bisika na bavu. Oh c'est compliqué. Maintenant on a essayé d'inverser ça au Congo. Cette ordonnance sur les exhumations de corps, on a essayé de sursoir un peu ça, hein, pour privilégier plus qu'on interdise d'abord l'enterrement, s'il y a des choses à faire, qu'on les fasse avant l'enterrement. On en arrive jusque-là. Na bongo bagenda ko timbola ka lisusu lilita ko bimisa ke bembe, pona ko kenda ko tala soka kufa kinini, basalela yango te kasi, sokili kamgwezali. Tango bembe nano kundamite baba ndanano kolandela landela landela bayeba sokili kamonini ete bakoma na kuna. Donc si y a une mort suspecte sokili wa mokoba tumomoni yango malamu. Alors que les gens se questionnent, ils veulent savoir la vérité. Bon, gardez d'abord le corps à la morgue et tout. Faites les examens, tout ce qu'on peut faire avant l'enterrement. Comme ça, quand on a enterré, on oublie un peu. Et voilà. Soki ba tumazali kolandela na bongo bobomba nano bembe na isika ba bombaka. Bolandela na ba ninganga bayeba soka kufini. Dieu aussi n'enverra pas des anges pour faire la fouille des cimetières. Jamais faire que ce soit le monde en Christ qui ne l'était pas. Akotinda ba anges n'était pas na koluka banane ba kufaka tena Christ tote. Comme ça, on cible l'air du cimetière. Allez, creusez ici, creusez là-bas. Non, il aura juste à parler. Et sa voix, c'est la voix des créateurs de l'univers. Elle traversera tout l'univers. Et ramassera, rassemblera tous ceux qui sont retenus dans l'au-delà. Comme c'était fait ici dans Matthieu 27 là. Donc, les morts en Christ exclusivement, pas les autres. Donc, si toi tu seras mort et que tu n'étais pas mort en Christ, donc cette voix va retentir, mais tu n'en sauras rien, même dans ta tombe. Ce qui est au Koufaki, Kati na Christ, c'est mon bon goût, tant que Kunganga, à ta malilita, n'a eu le canal comme on voit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, la même voix là, parce que c'est le cri et la voix, retentira, tu n'en sauras rien du tout, mais tu seras sur la terre des vivants. À ta consoki nan au Koufite, vous allez n'abo moya na mokili, parce que vous allez mourir sans tout. Mon bon goût, y'a mon Kunganga. Mais Dieu a programmé de réunir toutes choses en Christ. Dans la plénitude du temps. Dans le blé dans le grenier. Réunir toutes choses en Christ. Ceux qui sont dans le ciel. Ces captifs qui sont déjà montés avec lui. Et Dieu les rassemblera avec les morts en Christ ressuscités. Et avec les vivants transmutés. Nous nous rassemblerons là-haut. Zambe akosangisa bango elongo na bakufi kati na Kristo na biso oyo batikali na bomoi nzoto ebongo dans la plénitude des temps, dans le temps de la résurrection. Ce programme va se réaliser littéralement. Tout sera réuni en Christ. Nous ceux qui suivent Bouddha sont perdus. Ceux qui suivent Mahomet sont perdus. Le Christ est le seul sauveur du monde. Entendez bien pendant que vous êtes vivant. Jésus-Christ sauveur du monde. Quand vous suivez Mahomet, Mohamed, vous êtes perdu. Vous comptez sur Bouddha pour être sauvé, vous êtes perdu. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et nous y sommes, là, c'est lui. Il a dit. Alors, ce sera un nouveau corps semblable à celui-là, vous savez? Vous voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Si on doit nous remettre notre corps mortel, nous mourrons encore avec notre corps mortel. Vous voyez, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Vous voyez, c'est vrai, ça ne se passera pas de cette manière-là. Donc vous pouvez continuer à aller sur la tombe de Branham, hein, pour vous rassurer que les morts en Christ ne sont pas ressuscités. Vous trouverez la pierre tombale toujours dans cet état. Je vous assure. Même après l'enlèvement, la pierre tombale sur sa tombe sera toujours là. Est-ce que quelqu'un comprend ici? La pierre tombale est haut, l'autre là était mort ici à Kinshasa. On est allé l'enterrer dans le cimetière de la Gombe. Allez là-bas, vous trouverez sa tombe. Décoré dehors. Mais lui dedans n'est plus. Quand tu entends ça, comprends que tu dois être prêt. Sois prêt à tout instant. Je termine ici dans cette autre prédication que nous avons lu vers la fin de la prédication de dimanche, le départ secret et soudain de l'Église, du 12 octobre 1958, le paragraphe 111, mais en anglais c'est le paragraphe électronique 33. Cette venue secrète du Seigneur, le départ secret et soudain de l'Église, observez, de deux qui seront dans un champ, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Et de deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Cela montre que la venue du Seigneur ne se passera pas juste dans un certain coin. Et ici pour et mais qu'elle sera universelle. L'un sera dans un champ en train de travailler durant la journée. Et l'autre dans un lit en train de dormir de l'autre côté de la terre. Ce sera un enlèvement universel. Et il viendra avec le cri. En anglais, c'est dit « shout ». Non pas des croix, mais des shouts. La différence dans l'utilisation des mots anglais là, le cri en tant que shout, c'est un cri lourd. Mais le cry, le cri, c'est comme le cri d'oiseau et tout ça, ça. C'est des cris légers, hein. Comme quand nous chantons Jésus, Jésus, écoutez ma voix, ou bien écoute mon humble cri, c'est cry. Mais pour le cri de commandement, c'est le shout. Et un cri lourd qui doit produire les effets escomptés. Alors, il viendra avec le cri, le shout. Avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu sont là. Et les morts en Christ ressusciteront. Et l'église sera enlevée secrètement. Enlevée comment? Secrètement. Le tombe et tout ça, ça va rester. Oh, ben, maïte, c'est quoi, c'est si vous avez un bassali qui est là, qui est avant, vous avez un bassali, vous avez frère David, vous avez un bassali. Et vous allez continuer à faire des navettes ici que ça tombe. Oh non, il nous a été cher. Et vous allez déposer des herbes, des fleurs et tout ça. Mais quand ma résurrection aura eu lieu, vous continuerez votre routine et vos traditions là. Mais je n'y serai pour rien. Vous comprenez? Les sépulcres s'ouvrirent. Quand Jésus-Christ ressuscité est entré dans la salle où étaient les disciples, est-ce qu'il avait ouvert les portes? Est-ce que les portes se sont ouvertes parce qu'il était dedans? Les portes sont demeurées fermées. Mais lui qui était dehors était déjà passé ici. Et quand il est sorti de là, les portes toujours fermées, il est sorti et est resté enfermé. Il est parti. Voilà la résurrection, même chose. Les apparences de la tombe et toutes les décorations, ça va rester là-bas. Mais la personne est déjà partie. Moi je veux que tu sois là. Amen. Sommes-nous d'accord? Amen. C'est ça. Oui. Oh, j'aime cela. Le grand époux vient et l'épouse s'est elle-même préparée, attendant ce moment secret qu'elle ne connaît même pas du tout. Mais elle est prête. Elle s'est habillée. Et elle attend ce moment. C'est ton cas, j'espère. Vous parlerez de 108. Et sa venue est tellement soudaine que l'église s'anira en un clin d'œil. Nous disons amen. Je pense que quand nous entendons ces choses, nous devons nous préparer davantage. Donnons à la parole du Seigneur sa valeur. Reconnaissons sa vie et sa puissance. C'est elle qui nous délivre de tout esclavage, de toute servitude et de toute captivité. Quelle que soit la chose qui te tourmente, prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Tiens-toi à sa parole. Et les situations changeront toujours. Que Dieu te bénisse. Et que sa parole te garde dans sa victoire. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Pour vous voir présent dans la résurrection d'entre les morts. Lève-nous pour la prière maintenant. L'amour de Dieu, amour est de loin si grand, que langue aux plumes ne peuvent les dire. Oh, il va plus loin que la plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer, oh coupable, oh coupable. Chantons, amen, amen, qu'on a tant pis pour vain, ainsi il réconcilia, son fils errant, lui pardonna tant. À l'amour de Dieu, amour. L'amour de Dieu, je peux t'aimer, encore éternellement. Quand les temporels sur terre en main royaume terrestre et temps oh et quand les temps viennent perspectives encore errant des mots oh l'amour. Devant Dieu qui a promis de revenir, enlever son église secrètement, mais qui veut réunir toutes choses en Christ. Rien qu'en Christ, nous devons trouver notre position en lui déjà maintenant. Être baptisé du Saint-Esprit, maintenant, en Christ, maintenant, sans tarder, sans distraction. Car un jour, ce sera trop tard. Quand la porte sera déjà fermée, plus personne ne pourra être scellé, ne pourra recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, remplissant l'océan d'encre. Si les cieux étaient parchemins, ou si chaque tige était une plume, et tout homme était écrivain, divin, et vous céleste, ce cher nous, ayant le rouleau, quoique courant tourné, à la mort de Dieu, l'amour vivant, car échappé de son âge, demeurera encore, toujours, éternellement, le chant des saints. Des anges, la mort est Dieu, combien riche plus, il est sans mesure, et pour la malheurera encore, toujours, éternellement, le chant des saints et des anges. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, c'est avec humilité que nous nous approchons de ton trône, reconnaissant en toi le pouvoir suprême, l'infinité et l'immortalité. Ta parole est profondément vraie. C'est elle qu'il nous faut pour l'édification, pour la transformation, notre délivrance totale, le salut de nos âmes, un salut éternel. C'est dans ta parole qu'il y a. Il y a un dessein merveilleux, un plan irrévocable, et tu fais tout d'après cela. Fais-nous connaître chacune de ces parties pour que nous puissions résister aux sollicitations mondaines, des racontars, des croyances, des tendances, des mentalités religieuses et des habitudes dénominationnelles. Nous voulons une délivrance totale pour ne reproduire que la parole, être le reflet de la parole, devenir une église parole, une épouse parole pour Christ. Car c'est la finalité que tu veux, nous rendre pareil à toi, à la stature de l'homme parfait. C'est ton programme. Alors, nous voulons nous démarquer de toutes les sales habitudes mondaines, des comportements démoniaques. Seigneur, nous voulons la piété de Dieu, la crainte de Dieu dans notre langage, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actes chaque jour, dans notre comportement. Nous voulons voir les effets de la résurrection. La vie nouvelle, la vie de la parole. On prend nos êtres entre tes mains et taille-nous à ton image. Façonne-nous à l'image de Christ. Toi qui veux tout réunir en Christ. Nous ne voulons pas être trouvés dehors, mais nous voulons que nos âmes soient trouvées dedans. Nos esprits dedans. Nos œuvres dedans. Nos actes dedans. Nos sentiments et pensées dedans. Que tout soit en Christ. Maintenant et à jamais. Exauce nos prières, soutiens notre foi jusqu'à la finale victoire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.